À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, le meeting des cadres et membres de l'Union des femmes a eu lieu le 15 courant à la Maison des femmes à Pyongyang. Y ont pris part Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti Travail de Corée, les cadres et membres de l'Union des femmes. Les orateurs y ont indiqué que le général Kim Jong-il a exploré un nouveau domaine de l'édification du Parti révolutionnaire et jeté la base éternelle pour achever l'œuvre révolutionnaire du Jeté pendant la longue période de sa direction du parti.